Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Marie-Hélène Congourdeau, byzantiniste et chercheur au CNRS, et Giuseppe Conticello, vous êtes également byzantiniste et chercheur au CNRS, et également titulaire de la chaire UNESCO pour le dialogue interreligieux. Le sujet de notre émission sera le colloque tenu en septembre dernier au monastère de Bose, et c'était plus précisément du 18 au 20 septembre, sur le thème « Nicolas Cabasillas et la divine liturgie », colloque auquel vous avez tous les deux assisté et fait des communications. Nicolas Cabasillas donc, une grande figure du monde byzantin du XIVe siècle, qui nous est surtout connu grâce à deux écrits, « La vie en Christ » et « L'explication de la divine liturgie ». Si vous voulez, on va, avant de parler de vos propres communications, parler un tout petit peu du colloque en général. Je ne sais pas qui des deux veut le présenter, M. Conticello peut-être. Oui, enfin, nous revenons de ce colloque qui a été extrêmement important, comme d'ailleurs tous les autres colloques organisés à Bose. Il est peut-être utile de dire un mot sur le fondateur, Enzo Bianchi, qui est actuellement l'une des figures les plus remarquables du catholicisme en Italie. Il a eu un parcours spirituel extrêmement intéressant. Il était étudiant en Florence, à la faculté d'économie, quand il a ressenti le besoin de vivre de manière plus radicale l'Évangile, donc en 1963. Il a commencé à réunir régulièrement à Turin, dans son appartement, un petit groupe de jeunes catholiques, mais également des Vaudois et des Baptistes, dans le but de méditer et d'essayer de vivre ensemble la parole de Dieu. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, de dialogue avec des chrétiens de différentes confessions, qu'il a mûri la vocation à la vie monastique. Et c'est ainsi qu'il a décidé de créer un centre de vie commune, un monastère, dans une ferme abandonnée à Bose, à 1 heure environ de Turin. Petit à petit, la communauté a beaucoup grandi. Ce monastère est aujourd'hui l'un des plus florissants en Italie. Il y a environ 60 moines. Beaucoup de ces moines sont des jeunes. Et un nombre considérable d'entre eux fait des études, car la préoccupation constante de la communauté est de bien connaître la tradition monastique afin de pouvoir mieux s'y enraciner. Il faut dire aussi qu'ils sont très accueillants et polyglottes. Quand on y va, on peut le constater, et c'est très agréable aussi comme séjour. Alors, comme vous avez dit, en gros, je dirais sur la carte, c'est entre Turin et Milan, mais c'est plus près de Turin. C'est plus près de Turin, c'est à 40 minutes environ de Turin. Justement, vous dites une chose tout à fait juste, ils sont très accueillants. Depuis le départ, d'ailleurs, la vocation première du père Bianchi, c'était l'unité de l'Église. Et en fait, la communauté s'est spécialisée très vite dans les relations avec l'Orient chrétien, en particulier avec l'orthodoxie. Et depuis 1993, en collaboration avec le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou, la communauté organise les colloques œcuméniques internationaux. Nous en sommes au 14e, dans le but de bien, évidemment, de mieux se connaître, de bien se comprendre, mais surtout de vivre une expérience concrète de vie fraternelle. Alors, vous avez bien dit, c'est toujours en deux temps. En tout cas, jusqu'à présent, c'était comme ça. Une première partie byzantine, on va dire, qui est co-organisée avec le patriarcat de Constantinople. Puis une deuxième partie russe, co-organisée avec le patriarcat de Moscou. C'était la formule, en tout cas, jusqu'à cette année encore. Et peut-être deux mots sur le sujet de cette année. Je ne sais pas lequel des deux veut parler. Marie-Hélène Congourdeau. Alors, le sujet de cette année, c'était Nicolas Cabasillas et la divine liturgie. Parce que chacun de ces colloques, la partie byzantine, est centrée sur un auteur et un thème. Et donc, l'auteur, c'est Nicolas Cabasillas, et plus précisément, son œuvre sur l'explication de la divine liturgie qui est parue en Sources chrétiennes. Voilà, donc, c'était le thème de ce colloque, et on a donc eu des communications sur Nicolas Cabasillas, sur son explication de la divine liturgie, et plus largement sur la divine liturgie dans la vie de l'Église orthodoxe. Je venais de dire que nous sommes au 14e colloque international, justement sur Cabasilas. Et je tiens quand même à signaler que les actes sont régulièrement publiés tous les ans, à une très grande vitesse, et que la publication de ces actes, normalement de grande qualité scientifique, constitue une contribution majeure pour la connaissance de l'orthodoxie et de ses relations avec le catholicisme. Alors, c'est remarquable parce qu'évidemment, c'est un monastère catholique, mais qui est très ouvert, je dirais, à la spiritualité orientale. Ça, c'est très important. Et quand on y va, on voit également, bon, ils célèbrent, bien sûr, dans le rite et la tradition latine, mais surtout pendant les colloques, il y a également des liturgies par des prêtres d'habitude qui participent au colloque des prêtres orthodoxes, mais on voit également que ces moines sont tout à fait ouverts à cette culture, cette tradition différente, et c'est peut-être le point le plus important, parce que c'est vraiment le regard de l'Occident vers absolument. Bizance. Mais justement, vous savez, vous venez de dire, ils sont très accueillants. Je voulais juste signaler que les trois langues officielles, ce sont l'italien, le français et le grec. En fait, Bose continue une grande tradition. C'est la tradition d'études orientales d'attention de l'Occident à l'Orient, qui était la tradition de Chelton, fondée par Baudouin, le fondateur du mouvement œcuménique, continuée ensuite ici en France à Bellefontaine, mais qui a actuellement à Bose l'un des centres les plus actifs au niveau international, on peut dire. Bon, venons-en, si vous voulez bien, Nicolas Cabasilas, parce que c'est au centre du colloque et de notre émission. Alors peut-être un de vous deux, s'il vous plaît, quelques mots sur sa vie. Vous avez fait une communication, je crois, qui s'appelait Cabasilas et son temps. Voilà, c'était le sujet de ma communication, donc je pense que c'est peut-être à moi de le relater. Eh bien, Nicolas Cabasilas, c'est un personnage qui est absolument fascinant parce que il reflète complètement son époque. C'est-à-dire que quel que soit l'aspect du XIVe siècle byzantin que l'on étudie, on peut être sûr de rencontrer Nicolas Cabasilas. Il est un humaniste, il a participé au mouvement de renouveau des études humanistes à Byzance, il a participé à la vie politique en tant que conseiller de l'empereur, il a participé aux problèmes religieux en témoignant pour un moine qui était accusé de bogomilisme, en ayant des relations personnelles avec Grégoire Palamas, mais sans vouloir s'engager vraiment dans la querelle, en gardant des contacts et des amitiés de tous les côtés. Il était l'ami d'enfance du chef de file de la connaissance de la théologie latine, qui était Dimitrios Kidonis, le traducteur de Thomas d'Aquin. Donc il a pu connaître aussi la théologie latine grâce à ses conversations avec Dimitrios Kidonis. Il a écrit sur l'usure, sur le respect de la loi, sur les abus des autorités. Il a fait une sorte de mission de médiation lors d'une révolte urbaine. Enfin bref, il participait à tous les événements de son temps. Tout ça pendant la première partie de sa vie, et vers la trentaine, quand l'empereur dont il était conseiller a démissionné, abdiqué plutôt, eh bien, il a commencé une vie de méditation, de retraite, et c'est là, à la fin de cette vie de méditation très secrète et très fructueuse, qu'il a écrit ses principales œuvres théologiques, dont l'explication de la divine liturgie et la vie en Christ. Bon, alors ça le situe un petit peu. On peut peut-être donner quelques détails un peu plus précis. Il est né à Thessalonique. Il a fait ses études. Bon, il a d'abord suivi des cercles spirituels à Thessalonique de prière pour les laïcs. Il a fait ses études à Constantinople. Il était passionné par les études. Son père le poussait, mais en fait, il n'y avait pas besoin d'être poussé. On a des lettres qu'il échange avec son père sur cette passion des études. Ensuite, il est rentré à Thessalonique. Il y a eu cette révolte urbaine au moment de la mort d'Andronique III, l'empereur. Lorsque, en très gros, on peut résumer qu'à la mort d'Andronique III, il y avait deux prétendants à l'Empire, qui étaient son ministre Jean-Cis Cantacuzène, qui représentait surtout l'aristocratie, et le jeune fils, Jean V, d'Andronique III. Et la ville de Thessalonique était divisée entre les aristocrates qui étaient partisans de Jean VI et le peuple qui était partisan de Jean V. Et finalement, les aristocrates ayant voulu faire basculer la ville dans le camp de Jean VI, Le peuple s'est révolté et a pris le pouvoir. Et en chassant les nobles, en faisant des saccages, etc. Enfin, c'est dans ce contexte que Nicolas Cabasillas a servi de médiateur et il a fait une ambassade à un moment, 1345, pour négocier avec le fils de Jean VI une reddition de la ville qui passerait donc dans le camp de Jean VI, mais avec une amnistie pour tous ceux qui avaient saccagé, pris le pouvoir, etc. Bon, cette mission a réussi, mais elle n'a pas été acceptée à Thessalonique. Il y a eu un grand massacre des aristocrates et des partisans de Cantacuzène par ceux qu'on appelait les zélotes. Et il se trouve que Nicolas Cabasillas, qui était un aristocrate, qui était compromis par sa mission du côté de Cantacuzène, a été épargné. Et on pense que c'est justement parce que il avait essayé de tenir les deux côtés, de réconcilier plutôt que de diviser ou de faire vaincre un camp contre l'autre. Donc ça, c'est déjà un aspect qui le poursuivra toute sa vie, puisque ensuite il y a eu la querelle palamite. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, il a gardé des contacts avec Grégoire Palamas et avec des anti-palamites. Il n'a jamais renié, par exemple, son amitié avec Démétrios Kidonis, qui pourtant était totalement dans le camp anti-palamite. Il servait Jean VI, mais il a gardé des contacts avec la mère de Jean V, donc avec l'autre camp. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de garder l'équilibre entre les deux. Bon, en même temps donc, il a pris parti pour les plus pauvres en luttant contre l'usure, en faisant une supplique à Anne de Savoie pour la remise des dettes, etc. Il s'impliquait dans les problèmes sociaux. Et puis, à l'abdication de Jean VI, Cantacuzène, lorsque c'est Jean V qui a pris le pouvoir, il s'est retiré. Et là, donc, pendant une quarantaine d'années, parce qu'il lui restait 40 ans à vivre, il avait une trentaine d'années quand il s'est retiré, il a eu cet énorme travail de méditation et de réflexion pour une sainteté qui ne soit pas réservée aux moines et qui ne soit pas uniquement par la prière, mais par un équilibre entre la prière et la pratique liturgique. Alors comment expliquez-vous qu'un homme qui a participé de manière si active à des événements sociaux et politiques de l'époque change, si je puis dire tellement, et devienne un théologien de la liturgie si profond? Je pense qu'en matière de liturgie eucharistique, on est vraiment dans le plus profond de la tradition byzantine. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste ajouter une chose qui peut peut-être nous aider à mieux saisir la personnalité littéraire de Cabasillas. Vous avez dit justement qu'il s'est consacré pendant les 40 dernières années de sa vie à la composition de ses deux œuvres majeures, La vie en Christ et l'explication de la divine liturgie. Ceci constitue un fait assez isolé dans la tradition byzantine, car les intellectuels, normalement, ils écrivaient leurs œuvres à côté de leurs obligations politiques, leurs occupations mondaines. Cabasillas, c'est un cas un peu particulier. Il s'est consacré pendant une longue période de sa vie à la composition de ces deux œuvres. Et par ailleurs, on voit les résultats. Ce sont des œuvres soignées en général, imposantes, importantes. Et en même temps, qui reflètent une expérience personnelle. Parce que je pense que s'il a passé ensuite 40 ans à méditer, sa vie, lorsqu'il était dans la vie publique, dans la vie politique, former une part de ce sur quoi il méditait, puisque ce qu'il va défendre, en particulier dans La vie en Christ, c'est la possibilité de vivre une vie de prière, une vie de méditation, une vie en Christ, au cœur du monde, c'est-à-dire même en faisant de la politique, même en s'occupant des problèmes sociaux, etc. Ça, c'est le cœur de sa vie en Christ. C'est important, je pense, et c'est une contribution majeure aussi à la spiritualité contemporaine qui est en train de réévaluer tellement le rôle du laïc. Justement, Cabasillas, c'est l'un des premiers à avoir mis sur place une véritable spiritualité du laïc, de l'engagement laïque dans l'Église. Et chose qui n'existait pas ni chez Palamas, ni chez d'autres grands auteurs de la tradition byzantine, qui sont surtout des auteurs d'inspiration monastique, qui écrivent dans une perspective monastique. Oui, c'est d'ailleurs tellement étonnant qu'il y a une controverse qui n'est pas encore terminée pour le fait de savoir si Nicolas Cabasillas s'est fait moine ou non pendant cette période de sa vie où on sait finalement assez peu de choses. Il y a heureusement qu'il y avait des lettres qui lui sont adressées et qu'il adresse à d'autres parce qu'on ne sait pas grand-chose. Mais bon, Il y a eu une grande querelle pour savoir s'il était moine ou laïque. À présent, bon, il y a des arguments pour, des arguments contre. À présent, il y a une sorte de consensus, mais pas total, sur le fait que, très probablement, il était resté laïque. Mais justement, ça serait étonnant, dans toute sa correspondance, on s'adresse à lui comme, c'est, comme à un laïque. Comme un laïque, comme absolument. Un laïque. Oui. Donc ça, c'est quand même une petite confirmation qu'il restait laïque. Un spirituel qui reste donc dans le monde. Dans le monde. Ça, c'est très important. Alors, vous, M. Condicello, vous avez parlé au colloque de l'influence de Cabasillas, mais peut-être faut-il auparavant parler en quelques mots du contenu de ses œuvres majeures, La vie en Christ et de l'explication. Ça tient à quoi ? Bon, alors, La vie en Christ, que j'ai donc édité aux sources chrétiennes, est un traité en 7 livres et qui est essentiellement centré sur les mystères, c'est-à-dire les sacrements d'initiation, le baptême, la chrismation et l'Eucharistie. Et ensuite, il y a le reste du traité, c'est sur la façon de vivre par la méditation, de vivre vraiment ce qui est reçu dans les mystères. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cœur un peu de cette vie en Christ, c'est que vivre en Christ, ça n'est pas faire des grands efforts, manifester des vertus, etc. C'est recevoir par les mystères la sainteté même du Christ, la vie même du Christ, et la vivre, c'est-à-dire vivre la vie du Christ, qui n'est pas conquise à la force du poignet, qui n'est pas non plus conquise par la prière seule, mais qui est entièrement reçue. Et donc, il y a tout d'abord une méditation sur l'incarnation, où le Fils de Dieu... On ne va pas vers Dieu, c'est le Fils de Dieu qui descend vers nous. Il dit, ça n'est pas la pièce de monnaie qui a cherché la femme, ça n'est pas la brebis qui a cherché le berger, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu chercher la brebis égarée, qui la met sur ses épaules et qui lui donne sa vie. Et que donc la seule chose qui est demandée, parce que il est quand même demandé quelque chose, c'est la synergie, la coopération entre l'homme et Dieu, la seule chose qui est demandée à l'homme, c'est d'accepter. Accepter d'être sauvé, accepter de recevoir la vie du Christ et de la vivre. Mais il appelle tout de même à une vie sacramentelle. Absolument, puisque c'est par les mystères qu'on reçoit cette vie. Il dit que les mystères, ce sont les fenêtres par lesquelles le soleil de justice entre dans notre monde et entre dans notre vie. Et donc, bon, le baptême, évidemment, on ne le reçoit qu'une fois, parce que l'on ne naît qu'une fois. Bon, la chrismation aussi, on ne la reçoit qu'une fois parce qu'on ne grandit, on ne mûrit qu'une fois. Mais l'Eucharistie, comme c'est la nourriture qui nous donne non pas quelque chose de Dieu, mais Dieu lui-même, comme il dit, c'est la nourriture, donc il faut la recevoir le plus souvent possible. Et donc il est un adepte très enthousiaste de la communion fréquente. La communion fréquente. On trouve donc l'ensemble de la vie en Christ, aux sources chrétiennes, en deux volumes, je crois. En deux volumes, oui. C'est 355 et 361. Monsieur Condicello, oui. L'explication de la divine liturgie est donc l'autre œuvre majeure de Nicolas Cabasillas. Je signale au passage que malheureusement, pour cette œuvre aussi, comme pour bien d'autres œuvres de Cabasillas, nous ne disposons pas d'édition critique. Il y a une édition aux sources chrétiennes, mais qui n'est pas encore critique. Eh bien, l'explication de la divine liturgie constitue sans doute peut-être le sommet de la pensée liturgique byzantine a été pensé par Cabasillas lui-même comme pendant de la vie en Christ, la vie antérieure, la vie divine en soi-même, ensuite la participation au sacrement. C'est dans l'expression de la divine liturgie qu'il aborde ces problématiques. En fait, le texte, c'est tout simplement un commentaire de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, mais il met en place toute une mystique sacramentaire, qui est la mystique pour laquelle, dans une tradition mystagogique, et qui est la mystique pour laquelle Cabasillas est devenu l'auteur si connu. Et je signale au passage d'ailleurs que dans cette œuvre, il fait preuve d'une grande connaissance de la théologie latine, des œuvres de Thomas d'Aquin. Il a lu Thomas d'Aquin et l'utilise largement dans le chapitre 30 de l'explication de la divine liturgie. Sans devenir trop érudit, mais un mot quand même sur ses sources. Pensez-vous qu'il a puisé vraiment chez d'autres auteurs, pères grecs, qui se sont tout de même penché sur l'interprétation de la liturgie, comme, je ne sais pas, les écrits de Denis ou... Ça, c'est un trait caractéristique, je pense, de toute la pensée byzantine. Toute la pensée byzantine puise aux sources antérieures. Eh bien, dans ce cas, je pense que Kabasilas constitue un cas tout à fait original. Parce que, on n'a pas de travaux approfondis sur les sources, mais quand même apparaît clairement qu'il n'adopte pas le procédé typiquement byzantin de la compilation. Il y a bien sûr Basile, il y a les Cappadociens, il y a Siméon le théologien et Palamas parmi les auteurs byzantins toujours présents, mais ils sont toujours en filigrane. Kabasilas nous a livré dans ses œuvres une pensée originale. Oui, une pensée personnelle. Une pensée personnelle. Ça, je pense que c'est un trait caractéristique de ce maître byzantin qui lui mérite une place tout à fait particulière dans l'histoire de la théologie byzantine. Alors, vous parliez des sources. Je crois que l'un des auteurs patristiques dont il se rapproche le plus, dont il est le plus proche, le plus frère, c'est Jean Chrysostome. Et ça, dans la vie en Christ, lorsqu'il parle du Christ... en particulier, et lorsqu'il parle de l'Eucharistie, on sent vraiment un souffle qui rappelle celui de Chrysostome. Et il cite d'ailleurs Jean Chrysostome, il a toute une citation assez longue de Jean Chrysostome, mais même dans les autres, il est très influencé, je pense, par la lecture de Jean Chrysostome. Bien sûr, il l'avait bien assimilé, car il avait commenté la liturgie. Oui. Alors, pour les sources, et maintenant pour l'influence. Oh, l'influence, c'est vous avez parlé de l'influence en Occident et en Orient. Oui, j'ai essayé, disons, de faire quelque chose de l'influence en Orient et en Occident. Et alors là, c'est très étonnant parce que, justement, bon, il faut dire d'abord qu'on n'a pas beaucoup d'études encore sur cette question. On commence. Vous savez, Kabasilas, c'est un auteur qui est devenu très connu, mais qui était pratiquement ignoré par les Byzantins et pendant toute la période hellénique. Alors, c'est étonnant, en effet, de constater qu'en Orient en particulier, il était pratiquement méconnu. Hein. Kabasilas, c'est une découverte, on peut dire, de l'érudition occidentale du XXe siècle. Ce n'est en effet qu'en 1849 que le philologue allemand Gass a publié pour la première fois, le texte grec de la vie en Christ, l'œuvre majeure de Kabasilas, comme on vient de dire. J'ai signalé tout à l'heure qu'on n'a pas encore une édition critique de la liturgie. En Orient, Madame Concordou a dit justement, dans un passage célèbre, qu'il est venu trop tard pour avoir une véritable postérité byzantine. Hein? Constantinople a été prise peu de temps après. Certes, nous savons, pour ce qui concerne l'Orient, qu'il a été lu dans un certain nombre de monastères, du Mont Athos, comme ceux de Batopède et de Iveron. Cependant, nous n'avons pas, à l'état actuel de nos connaissances, d'arguments montrant que sa pensée a eu un impact réel dans l'élaboration d'œuvres contemporaines. Extrêmement significatif, si vous me permettez, à ce sujet, et un petit avènement d'histoire érudite qui s'est produit en Italie au XVIe siècle. En 1591, le patriarche d'Alexandrie, Mélès Pigas, qui avait fait ses études en Italie, où il avait connu Alvise Lollino, grand humaniste, devenu par la suite évêque de Belluno, près de Turin, trouve un manuscrit de la vie en Christ qu'il envoie aussitôt à son ancien camarade d'études en lui demandant de le publier. Dans sa lettre d'accompagnement, il insiste sur deux choses. L'anonymat complet de l'œuvre, sa grande richesse spirituelle. Donc il insiste en disant, enfin, une œuvre si riche au niveau spirituel, il faut enfin la publier. Lollino ne l'a pas publié. Et il était tombé sur un manuscrit anonyme. Donc ce pauvre Nicolas... avait perdu la paternité de son œuvre. Et la suite, donc, de la La situation n'est pas beaucoup plus favorable pour l'explication de la divine liturgie. Ce texte est pratiquement absent dans toute la tradition néo-hellénique. On n'a pas de trace d'une connaissance quelconque de ce texte jusqu'au XIXe siècle. Il est étonnant, en effet, que dans la Philokalie, le célèbre recueil de textes publié au XVIIIe siècle par Nicodème Lajorite, il n'y a aucune œuvre de Cabasilas. Ce recueil, la Philokalie, comme nous savons, c'est un texte très important qui est devenu l'un des textes symboliques de l'orthodoxie. La situation est totalement différente en Occident. En fait, on peut dire, sans peur de se tromper, que Cabasilas a été découvert en Occident dans le cadre notamment du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un événement majeur, mais c'est un événement majeur aussi au niveau de la culture byzantine, car pour la première fois, il y a eu une véritable vague de traduction du côté protestant comme du côté catholique de textes byzantins. Pardonnez-moi, vous parlez du Concile de Trente. Ça veut dire que l'œuvre de Cabasilas fait partie de la contre-réforme, c'est... Absolument, dans le sens... Nous savons, par exemple, que la première traduction latine de l'explication de la divine liturgie a été réalisée par un philologue et théologien français, théologien au Concile de Trente, Hervé, parce que ce texte a été utilisé dans la controverse avec les protestants contre le symbolisme eucharistique, pour démontrer la présence réelle. C'est devenu l'un des textes de référence et de théologie dans la contre-réforme. Alors, la suite de la réception et la conclusion sur lui? Eh bien, il a été redécouvert au XXe siècle. Je crois qu'il y a des gens qui ont joué un grand rôle dans la redécouverte de Nicola Cabasilas. Ce sont les assomptionnistes de l'Institut français d'études byzantines, en particulier le père Salaville, qui a écrit plusieurs articles sur Nicola Cabasilas. Et on a l'impression que c'est cela qui a relancé les études sur Nicola Cabasilas. Ça a abouti d'abord à l'édition de la Divine Liturgie dans les sources chrétiennes. Et puis, grâce à Jean Gouillard, eh bien, j'ai découvert tout à coup La vie en Christ, qui avait été traduite à Cheftogne en français et qui n'avait pas d'édition critique. Et donc, je l'ai faite et j'ai continué à étudier Cabasilas. Et je me suis aperçue justement que, quel que soit le sujet, on trouvait toujours, il avait toujours dit quelque chose d'intéressant. Et ce qui est aussi quand même une étape très importante, c'est que en 1983, Nicola Cabasilas a été reconnu saint par le patriarcat de Constantinople. Et là, ça a relancé aussi en Orient l'intérêt pour Nicola Cabasilas. Le père Salaville, dans son commentaire de l'explication de la Divine Liturgie, comme vous savez très bien, s'inspire tout le temps de Maurice de la Taille. En 1921, ce jésuite français a publié un livre sur le mystère de la foi dans lequel... C'est le premier à découvrir la tradition mystagogique. Dans ce livre, Cabasilas est présenté pour la première fois comme un père de l'Église. Ben écoutez, merci beaucoup. Alors, évidemment, il faut lire Cabasilas, soit La vie en Christ que vous avez édité aux sources chrétiennes, Marie-Hélène Cougourdeau, les volumes 355 et 361, ou l'explication de la divine liturgie, c'est le volume 4 bis, même si on attend une édition critique, comme vous disiez. Je vous remercie beaucoup. C'était donc Nicola Cabasilas et la Divine Liturgie, un colloque scientifique au monastère de Bose en Italie avec Marie-Hélène Cougourdeau et Giuseppe Conticello. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que la première des 6 conférences que le Père Placide donnera à l'Institut Saint-Serge sur les Pères Cappadociens aura lieu jeudi prochain, 19 octobre, de 14h à 16h. C'est donc à l'Institut même, au 93 rue de Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris. Pour les inscriptions et les dates des prochaines conférences, vous pouvez appeler l'Institut Saint-Serge au 01 42 01 96 10 ou consulter leur site www.saint-serge.net. C'est d'ailleurs bien le Père Placide Desailly qui sera notre invité pour notre prochaine émission le dimanche 29 octobre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis, chargé de réalisation Sylvie Migaud, prise de son Annick Brien. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Vous écoutez France Culture à Usherche.